Shérif, Marc Anzou, aller-retour de Nana. Attendez-les, na kolonga na na etumba. Attendez-les, na kozwa pena la vie. Bako finga, bako tongo sempamba. Moto mokote, aye bia venir na ye. Alléluia, osana kembo na Yahweh. Alléluia, Hosanna kembo na Yahweh, Papa, na Jésus-Christ, le chantipo. Vas-y, Bobby, vous n'êtes pas bossé. Na l'impessi, elikia na na na lo sambo, ata un jour, na koso pe lo kona bambo. Alléluia, Hosanna kembo na Yahweh, Papa, na Jésus-Christ, le châtiment. Eh, sango ye ye, sango ayo, e mungina makuru, e mungina maboko, na sangi malo bambona matongi fe kufinga ya mato. Emo, ginga, maboko.